Et je t'avais dit de me foutre la paix. Je crois que j'ai tout à perdre. J'en fais des cauchemars, j'en veux encore à toute la terre. C'est quand tu t'attaches qu'on te poignarde de Dieu. Qu'on était en retard, mais jamais dans le lit. Je crois là que j'ai toute ma tête, fais danser toute la terre. Cette dame elle là me parle, mais je t'admire, je t'écoute après. Elle ne sait plus où se placer. Dans mon regard, des milliards d'étoiles, goût de luxe, là, elle est dans mon plat. Elle sait toute ma terre, je veux plus qu'elle me foute la paix. Scène sans ménage, fais les 100 pas, les hommes sont tous à terre. Elle ne sait plus où se placer. Dans mon regard, des milliards d'étoiles, goût de luxe, là, elle est dans mon plat. La vie est belle, encore plus belle quand tu me souris. Encore plus belle quand tu me dis je t'aime. Avec toi je n'ai plus de soucis. La vie est belle. Encore plus belle quand tu me souris. Encore plus belle quand tu me dis je t'aime. Avec toi je n'ai plus de soucis. Quand je pense mon étoile elle est là, je sais qu'elle passera les portes de toutes nos âmes. Je sais pas mon état salé, je te fais tes pansements. Tu rêves de toi et t'apparaît. Notre amour et toutes nos dansements. Je ne laisse rien paraître. Mon âme sert et mon pal est tout à l'aise. Je n'aime pas caler, j'aime bien te parler de taf. Mettre tout sur la table, y'a pas de galère. T'as su changer mes pansements, me soigner. Et tout nous rattrape quand je pense m'en aller. La vie est belle, encore plus belle quand tu me souris. Encore plus belle quand tu me dis je t'aime. Avec toi je n'ai plus de soucis. La vie est belle, encore plus belle quand tu me souris. Encore plus belle quand tu me dis je t'aime. Avec toi je n'ai plus de soucis.